Exercice 9, page 26. A. Vivement, doucement, légèrement, paisiblement, rapidement. B. Acheter, sauvegarder, apercevoir, prévenir, enlever. C. Pauvreté, fermeté, propreté, honnêteté, âpreté.